Je vais. Ça va là? Je vais. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Alors, je vais commencer donc avec deux citations. D'abord, cette petite phrase de Morton Feldman, le musicien proche de John Cage, qui est en lui-même un grand musicien. Enfin, il n'est pas intéressant que parce qu'il était proche de John Cage. C'est une déclaration comme ça qu'il fait au cours d'un entretien qui a été, vous avez toutes les références à l'écran, un entretien qui a été repris dans le catalogue d'une exposition consacrée à cet extraordinaire cercle qui s'était formé dans les années 50 aux États-Unis, inspiré de Marcel Duchamp, où collaboraient John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns et Robert Rauschenberg, un moment très extraordinaire de mélange entre toutes sortes de disciplines, essentiellement des disciplines plastiques et l'art vivant, ou les arts de la scène si vous préférez. Alors, enfin, et particulièrement la danse bien sûr. Donc, théâtre, musique, danse, art plastique, peinture, art plastique. Installation, etc. Bon. Donc c'est un moment un peu légendaire, mythique. Mais Feldman fait cette déclaration en 1982. Hein? C'est un entretien donc récent, rétrospectif. Je pense que cette déclaration est juste exacte. Ce qui est évidemment frappant, c'est l'idée de survie, quoi. Une certaine attitude intellectuelle est nécessaire à la survie. Bon. Survie mentale et peut-être plus que ça d'ailleurs. La deuxième citation est complémentaire. Elle est un peu plus longue, je vous la laisse lire tranquillement puisque j'ai mis la traduction espagnole. J'avance. Alors, si j'essayais de développer les idées, les orientations, les directions données dans cette citation, je serais amené à reprendre des réflexions que j'ai menées depuis assez longtemps maintenant sur la question du territoire, l'intimité territoriale, etc. Mais je ne vais pas le faire. Mon propos ce soir sera légèrement différent. Je vais vous proposer plutôt une réflexion sur... Si je n'ai pas mis de titre à la conférence parce que, au fond... J'ai le sentiment que je vais vous parler de moi. C'est un peu dérangeant, mais c'est ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, d'une certaine pratique de l'histoire de l'art, au fond. Voilà. Que j'essaye de mener depuis 10 ans. J'ai été conduit, je pensais pas écrire un texte, puis finalement j'en ai écrit un. J'ai été conduit comme ça à une espèce de regard, comme ça, rétrospectif sur ce que j'ai fait depuis 10 ans. Bon. Alors, ça peut évidemment être très complaisant, j'espère que ça ne le sera pas. Voilà. Alors, je vous propose de repartir des années 60. Oui, j'ai aussi essayé de suivre un peu un fil comme ça qui est donné par des expositions ou des textes que j'ai fait dans ce pays. Hein, voilà. Donc partons des années 60. Il est assez banal, je dirais, de situer dans les années 60 un tournant de la culture artistique. Du moins pour ce qui concerne l'ère euro-américaine. Il faut être bien conscient que quand on parle d'art moderne et le plus souvent d'art contemporain, au fond, on pense essentiellement à ce qui est fait en Europe et dans les deux Amériques, désormais. L'Amérique latine a été quand même intégrée. Donc, au fond, on parle de l'ère euro-américaine. Et il y a eu dans les années 60, effectivement, un tournant dans ces deux régions du monde, Europe et Amérique. Tout à l'heure, on parlait là de Eliot Issika. Enfin, maintenant, nous savons depuis quoi, 20 ans, que Issika est un artiste majeur des années 60, comme Lydia Clark et bien d'autres artistes d'Amérique latine. Donc ça confirme bien qu'il s'agit d'Europe et les deux Amériques, disons, pas seulement les États-Unis. Mais c'est au fond que deux régions du monde. Je ne crois pas qu'on puisse identifier en Afrique, en Inde, en Chine ou encore dans d'autres, au Proche-Orient, un tournant de l'art dans les années 1960. C'est-à-dire qu'en fait, ce tournant est apparu dans une zone du monde où s'exerçait alors l'hégémonie mondiale. Ce tournant, c'est un tournant à l'intérieur de l'hégémonie culturelle et politique mondiale. J'ai proposé, il y a déjà quelques années, de situer ce tournant autour de l'année 1967. 67, c'est-à-dire un an avant la révolution avortée de 68. Je fais partie de ceux qui considèrent que 68 a été une situation révolutionnaire, qui n'a pas du tout abouti, bien sûr, mais il y avait situation révolutionnaire. Ce n'était pas une révolte étudiante. 67, donc un an avant cette révolution avortée, et je fais également partie de ceux qui considèrent que ce qui s'est mis en place 10 ans plus tard, c'est-à-dire ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le grand mouvement de réaction néolibéral, est une réponse à cette menace qu'a constituée 68. Encore aujourd'hui, la plupart des penseurs de droite s'inquiètent de la permanence ou de la résurgence de ce qu'ils appellent la pensée 68. Il en est en Espagne comme en France et partout dans le monde de ce point de vue, mais surtout bien sûr dans les pays comme la France où le mouvement a été effectivement très fort. Donc j'ai consacré naguère un petit livre, un essai assez bref, qui a donné lieu à un petit livre sur cette année 67. Et c'était une des conférences que j'avais données à Barcelone, à la Fondation Tapiès, qui était dirigée à l'époque par Manolo Borja, Vilel, qui dirige maintenant le musée Reina Sofia. Le livre est reparu récemment avec un prologue de Manuel Borja-Vilel. Alors, il faut évidemment essayer de se souvenir que quand on dit 67, on est aussi dans une période marquée depuis 20 ans par la guerre froide. La guerre froide régissait les relations internationales et déterminait pour une très large part les conflits régionaux de l'époque. Pensez au Proche-Orient. La guerre des six jours a consacré la victoire d'Israël contre les pays arabes et en particulier contre l'Égypte de Nasser. Nasser, leader du panarabisme, soutenu par Moscou. La guerre froide, c'était vraiment le système du monde. Tous les mouvements du tiers-monde, comme les mouvements de libération du tiers-monde, se définissaient à l'intérieur de ce conflit est-ouest, de cette guerre froide. Et essayaient de se démarquer, bien sûr, hein, des règles du conflit. Les conséquences de ce conflit, que je viens d'évoquer comme un exemple particulièrement parlant, de ce conflit là au Proche-Orient, sont encore malheureusement très sensibles aujourd'hui. Certains observateurs considèrent que nous sommes aujourd'hui dans une résurgence de la guerre froide, que Vladimir Poutine fait en sorte je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, mais effectivement, des souvenirs de la guerre froide, comme ça, nous reviennent, disons. Alors, il se trouve que un artiste qui est suédois, mais qui était né au Brésil et qui était alors installé à New York, c'est intéressant quand même, c'est ce parcours biographique. Proche de Rauschenberg, un artiste nommé Øyvind Fallström. Il se trouve que Fallström, qui est à mon avis un merveilleux exemple de ces artistes qui ont travaillé constamment entre les disciplines, et particulièrement entre la poésie et les arts visuels, Øyvind Fallström réalise en 1967 cette installation très extraordinaire qui s'appelle le Petit Général, le Little General. Comme vous le voyez, c'est un bac d'eau, une sorte de petite piscine avec des éléments flottants qui donc se déplacent et qu'on peut déplacer, qu'on peut pousser comme ça, comme les enfants poussent des bateaux sur le... Hein, quand ils jouent comme ça sur un... et on reconnaît, vous le voyez là, quelques personnages de l'époque, notamment Moshe Dayan, le premier personnage là avec la peau de bête à ses pieds. Donc il y a aussi le président des États-Unis, Lyndon Johnson, De Gaulle, Moshe Dayan, donc, oui, pardon, le héros de la guerre des six jours. Hein. Et alors, il a la peau de bête devant lui, et la peau de bête, ce sont ses conquêtes, hein, qui sont étalées devant lui, comme un trophée de chasse. Et puis, vous avez aussi le tigre en papier. Le tigre en papier, ce sont les États-Unis selon Mao Tse-tung. C'est l'époque aussi du slogan de la firme Esso, mettez un tigre dans votre moteur. Ça, je le signale parce que ça a été repris par tout le monde, ça a été repris par Godard, etc. Enfin, voilà. Alors, vous voyez aussi un nez qui flotte. Vous voyez que De Gaulle a perdu son nez et le nez flotte ailleurs. Il s'est cassé le nez, comme on dit. Hein? Et puis vous avez ces nez qui se mettent à flotter comme ça. Alors, donc, c'est une sorte de fantaisie, hein, sur la situation géopolitique en 67. Les éléments bougent, on peut les faire bouger, on peut jouer, quoi. Alors le petit général, c'est l'artiste qui joue à la guerre, hein, comme souvent les artistes, enfin les garçons surtout, paraît-il. Et qui manipule, hein, c'est cette idée de la manipulation qui est omniprésente chez Fallström, des figures traitant de l'actualité géopolitique. Fallström a été l'un des grands cartographes de la période. Il venait de la poésie, et plus précisément de la poésie concrète. Il a été l'un des expérimentateurs, vraiment, des de la poésie concrète, l'un de ceux qui ont réinventé la poésie concrète, parce qu'en réalité elle existait déjà, mais dans les années 50. Son art est de toute évidence géopoétique, autant que géopolitique. Et un point, à mon avis, très intéressant, c'est qu'il a produit une synthèse, à mon sens unique, entre cette approche géopoétique et une interprétation très personnelle du psychédélisme. Le psychédélisme dont l'année 1967 fut l'acmé, l'apogée. Hein ? Deux ans plus tôt, Fallström avait réalisé ce qu'il appelait une peinture variable ou un tableau variable, Variable Painting, intitulé Cold War, la guerre froide. Et là, de nouveau, vous retrouvez cette idée de manipulation. Les éléments ici sont montés sur des aimants. Le panneau est en métal, donc vous pouvez déplacer les éléments. Hein. Là encore, donc, d'où l'idée de Variable Painting, hein. Une peinture variable. La composition est mobile, variable, elle peut changer, on peut changer les éléments. Avec cette idée très, très extraordinaire que la guerre froide, c'est une sorte de match de football entre deux équipes qui perdraient toutes les deux, en fait. Là encore, je ne crois pas, je ne connais pas d'artiste qui ait poussé plus loin l'idée du jeu avec l'actualité politique. La poésie s'articule avec le politique par le jeu. Cette idée est peut-être très banale, mais je crois que parfois il est bon de rappeler des banalités. Qui dit poésie et politique dit aussi jeu. Voilà, c'est de la dimension du jeu. Alors, autour de 67, c'est un mot quasiment magique, hein, le jeu. Mais de toute façon, il y a quelque chose de magique dans le jeu. C'est évident, le jeu des enfants présente un caractère magique. On ne peut pas, je crois, écarter cette dimension de la magie, de l'art, ni même de l'art critique. Fallström est un artiste du jeu, un artiste de la critique, un artiste poète, un géopoéticien, mais qui travaille avec le jeu, en jouant. 67 fut l'année où la contre-culture a bénéficié aux États-Unis d'une mobilisation populaire contre la guerre du Vietnam. Jamais, sans doute, la contre-culture n'aurait eu cet impact sans, justement, la greffe sur les protestations politiques contre la guerre du Vietnam et l'appui considérable trouvait dans l'opinion publique via la protestation contre la guerre du Vietnam. Je peux avoir un peu d'eau. Merci. Merci. '67 fut notamment une année très importante pour Jean-Luc Godard. En 67, il présente Made in USA au début de l'année, en janvier, puis ce film très daté, mais quand même très extraordinaire encore, qui s'appelle « Deux ou trois choses que je sais d'elle », dont nous parlions encore tout à l'heure, ce film sur la banlieue qui est très étonnant, assez agaçant, il faut dire. Je ne sais pas si vous l'avez revu récemment, mais quand même très formidable, mais très caractéristique de cette culture du collage comme ça, de la citation chez Godard, et poussé à un point assez extrême. Donc en mars, Il présente deux ou trois choses que je sais d'elle, et puis il réalise La Chinoise. Et ce film ouvre ce qu'il est convenu d'appeler les années Mao. Il met en scène, en fait, les futurs acteurs de mai 68, particulièrement les étudiants de l'université de Nanterre, dont partira en France la révolte. On peut définir ce film comme un exercice de théâtre filmé, conçu comme une grande part du cinéma de Godard à l'époque, dans l'esprit des pièces didactiques de Bertolt Brecht, mais avec, là encore, un sens du jeu qui se rapproche plutôt de Falchot. On retrouve, là encore, cette idée du jeu de façon très sensible, hein, articulée à l'exemple brechtien, hein, et donc à la pensée critique de Brecht. Le mot d'ordre là, qui se répand alors dans les milieux d'avant-garde, transdisciplinaire, mêlant littérature, art visuel et art vivant, art de la scène et cinéma, bien sûr. Le mot d'ordre, c'est un mot d'ordre qui rejoint le maoïsme, c'est vraiment la lutte contre l'impérialisme yankee. Et vous avez une déclaration... Vous avez cette déclaration faite par Godard au Festival d'Avignon en juillet, hein, en juillet 67. Alors, ce petit texte reflète, je crois, assez clairement la dominante anti-impérialiste qui a caractérisé la politique des avant-gardes artistiques quand il y avait une dimension politique au moment de la guerre du Vietnam, en Europe comme aux États-Unis. Et ces avant-gardes cherchaient parfois leur modèle dans les combats de libération du tiers-monde et dans la révolution culturelle chinoise engagée par Mao Tse-tung. Le maoïsme a duré comme ça jusqu'aux années 70 et a été complètement balayé, bien sûr, quand on a fini par découvrir ce qu'il en était du régime communiste et de la révolution culturelle et de l'usage de répressif de la réhabilitation par le travail. Chose extraordinaire, donc, 67, psychédélisme, contre-culture, maoïsme, anti-impérialisme, lutte contre la guerre du Vietnam, mais aussi apogée ou acmé du structuralisme. C'est Michel Foucault lui-même qui observait la chose à l'époque. Michel Foucault qui avait publié l'année précédente, en 1966, Les mots et les choses. Aux États-Unis, on a parlé de linguistic turn, le tournant linguistique. Pour ce qui concerne l'art ou les arts, on peut considérer que ce tournant a consacré l'épuisement du système des beaux-arts et son remplacement par un autre cadre de référence. Un autre cadre de référence constitué par les sciences humaines. N'oubliez pas que Les mots et les choses, c'est une réflexion sur les sciences humaines. Une histoire des sciences humaines, en somme. Aujourd'hui, avec le recul du temps, il est assez facile de reconstituer ce processus qui a conduit à l'emprise des sciences humaines sur le discours artistique. On ne se rend pas toujours compte de ça et à quel point le discours artistique est aujourd'hui et conditionné depuis les années 60 par les sciences humaines. comme on dit en français, pour le meilleur et pour le pire. Et quand je dis donc que les sciences humaines conditionnent le discours artistique, par discours artistique, j'entends pas seulement le discours tenu à propos de l'art, pas seulement le discours sur les arts, mais aussi et d'abord le discours tenu dans l'art, par les artistes, c'est-à-dire le discours qui conditionne vraiment, qui structure, pardon, l'activité artistique. Le discours, au fond, dans un sens assez proche de celui dans lequel l'entendait Michel Foucault. Hein, parce que il faut quand même rendre à César, hein, quand on parle de discours aujourd'hui, dans un sens élargi, et au sens du cadre d'une activité, d'une pratique, etc., c'est le langage de Foucault que l'on tient. On ne pense pas discours au sens de la rhétorique. Alors, ce serait assez facile, mais ce serait quand même une conférence en soi que de reconstituer ce processus, donc je ne vais pas le faire, donc je vous l'indique. J'indique ce point qui est l'emprise des sciences humaines. Bon, ce que je voudrais, en revanche, développer un tout petit peu, c'est comment les sciences humaines ont remplacé, au fond, le système des beaux-arts. Et d'abord, remarquer quelque chose qui me semble très intéressant et dont les deux citations avec lesquelles j'ai commencé sont l'écho. C'est comment, parmi toutes les sciences humaines, c'est, semble-t-il, aujourd'hui l'anthropologie qui a pris l'ascendant, qui est passée au premier plan. C'était pas si évident dans les années 60. D'ailleurs, c'est assez clair, je trouve, dans le domaine de l'histoire de l'art. Vous avez vu que Morton Feldman, au fond, il faisait déjà allusion en 1982. Hein, ce primat de l'anthropologie dans l'ensemble des sciences humaines s'explique sans doute par la teneur inclusive de cette discipline, par sa proximité aussi avec la philosophie. Hein, c'est une évidence. Mais le phénomène s'explique aussi par le sentiment, je crois, largement répandu, que l'anthropologie, en tant qu'étude des cultures, pourrait nous donner un éclairage, nous aider à comprendre la mondialisation en cours. Il semblerait que le phénomène de la mondialisation soit véritablement... au fond, cette inquiétude créée par le phénomène de la mondialisation est favorisée ce développement de cette confiance en quelque sorte, cette attente à l'égard de l'anthropologie. À mon avis, cette idée est tout à fait illusoire. L'anthropologie s'est éloignée de l'ethnologie. Ça, c'est un constat, je crois, évident, avec la disparition des sociétés dites primitives qui étaient l'objet d'études privilégiées de l'ethnologie. Et un certain nombre d'anthropologues, tels Claude Lévi-Strauss, par exemple, ont toujours insisté sur le fait que l'anthropologie devait rester centrée sur l'ethnologie. Mais dans les faits, elle est aujourd'hui totalement décentrée. Et au fond, elle se confond avec la sociologie, avec les cultural studies, avec les post-colonial studies, enfin bref, toutes ces studies là comme ça, qui découpent aujourd'hui le champ des sciences humaines, et qui au fond sont pour l'essentiel des modulations, hein, d'une approche anthropologique. L'anthropologie serait donc devenue une sorte de discipline tout-terrain, coupée en tranches éventuellement, que les artistes, comme les historiens d'art, convoquent, je dirais plutôt invoquent, pour participer au fond à cet effet de diffusion. En réalité, il s'agit plus souvent d'une greffe discursive sur une vulgate néo-pop, apparenté au culturalisme tel qu'il est cultivé tous les jours par les médias. Une des choses les plus angoissantes de notre époque, c'est cette montée effroyable du culturalisme qui rencontre en plus toutes sortes de représentations comme ça, exclusives, la guerre des cultures, la guerre des civilisations, etc. Enfin, tout ce langage, c'est véritablement le cauchemar de notre époque. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, c'est mes cauchemars permanents. C'est mon cauchemar permanent. J'ai bien peur que l'anthropologie soit en train de se laisser assez massivement absorber par cette espèce de culturalisme ambiant. Alors, évidemment, tous les bons anthropologues s'en défendent absolument, heureusement. Là, je parle d'une tendance générale, hein. Il y a évidemment d'excellents travaux d'anthropologie. Mais il me semble en tout cas que cette dérive nous éloigne beaucoup de la méthode descriptive et critique que l'on peut attendre de la discipline anthropologique proprement dite. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais je voulais vraiment le noter parce que il me semble que nous avons là une donnée particulière, un moment particulier dans cette emprise des sciences humaines, et nous avons là un phénomène peut-être d'illusion, je dirais une illusion anthropologique, hein, comme ça, qui est venu se développer avec l'inquiétude sur le provoquée par la mondialisation. Mais encore une fois, donc ce que je voudrais indiquer, c'est aussi comment les sciences humaines ont remplacé au fond le système des beaux-arts. J'ai avancé naguère l'idée que l'art moderne s'est inventé au XIXe siècle entre les beaux-arts et les médias. Je crois que c'est devenu un peu une évidence, j'espère, enfin. Ce que j'entendais, quand je disais entre les beaux-arts et les médias, je jouais sur les deux sens de entre, hein, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre, mais aussi entre les deux. Hein. En français, vous avez vraiment, mais en espagnol, c'est la même chose. Les beaux-arts, aujourd'hui, ne subsistent à l'état de ruine. Et puis aussi dans la tête de quelques idéologues nostalgiques d'un système normatif pré-démocratique. Je ne me sens aucune affinité avec ces idéologues. Pour moi, les ruines valent beaucoup mieux que ce qui se passe dans la tête de ces gens. Parce que les ruines, au moins, elles ont cette avantage de témoigner concrètement d'une histoire. Hein, quand vous avez des ruines, vous avez une histoire. Une histoire qui, pour moi, présente un énorme avantage. C'est de nous donner un recul pour penser la teneur discursive et critique de l'activité artistique dans l'environnement actuel. Si je m'intéresse effectivement au système des beaux-arts, si je prends la peine d'aller lire des textes qui paraissent tellement vieillis, tellement loin de notre langage, etc., c'est parce que je n'ai besoin pour trouver la distance par rapport au discours actuel. Un recul historique. Je vous signale d'ailleurs que le système des beaux-arts, au fond, a eu une grande longévité. On peut en déceler les prémices dans le traité d'Alberti sur la peinture, le De Pictura, paru en 1435, et le dernier exposé systématique de ce système, c'est ce livre, très extraordinaire d'ailleurs, de Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin. Un livre qui, je vous le signale, a été lu par tous les artistes à l'époque. Les Van Gogh, les Seurat, tout ça. Tous les artistes les plus avancés de la fin du 19e avaient lu ce livre. C'était vraiment l'ouvrage de référence. Bien ce livre, si vous le lisez, c'est absolument formidable, c'est véritablement le dernier énoncé systématique du système des Beaux-Arts. Le dernier énoncé complet, pardon, du système des Beaux-Arts, en tant que les Beaux-Arts, ce sont les arts du dessin. Voilà. Cela depuis les académies du XVIe siècle, hein, avec à l'arrière-plan le Quattrocento, Alberti, etc. Ok ? Alors, c'est pas rien tout ça. Et je vois pas pourquoi on écarterait tout ça, puisqu'en plus on en a besoin. Encore une fois, il ne s'agit pas de rêver, d'être nostalgique de cette époque, de ce système, etc. Ce système des Beaux-Arts, c'était quoi? C'était un discours théorique, institutionnel et normatif. Il était fondé sur l'idée que les arts du dessin, selon la formule reprise par Charles Blanc, donc, 1867, hein, j'ai peut-être oublié de dire, c'est amusant, c'est un siècle avant ma date fétiche, donc ce système était fondé sur l'idée que les arts du dessin, donc, étaient apparentés aux disciplines discursives, et plus précisément, plus particulièrement, à l'exercice de la rhétorique, qui est l'art du discours. Ce système supposait un couplage des figures de la représentation avec celles de la rhétorique, sous l'autorité du principe d'imitation, hérité de l'Antiquité, la fameuse mimésis. Quant à ce qui nous intéresse, là, les rapports entre littérature et art, eh bien, il y avait une formule qui permettait de le penser, ou du moins de le penser, c'était le fameux ut pictura poesis, emprunté à Horace, au poète Horace, hein, avec cette formule, la poésie est comme la peinture, mais l'avantage, c'est que ça pouvait fonctionner dans les deux sens, quoi. En tout cas, ça s'était instauré là, une espèce de rapport d'imitation réciproque, voire même un rapport de miroir entre poésie et peinture. Donc, le système des Beaux-Arts, ce système normatif, institutionnel, qui mettait en jeu tout un savoir rhétorique. Un lieu commun veut que ce système ait touché à son terme avec l'épuisement du principe de la mimésis. Peut-être. En tout cas, il me semble plus intéressant de pointer des moments de transformation du système. Parce que, j'insisterai vraiment sur ce point, ce système était évolutif, extraordinairement évolutif. C'est pas contrairement à ce qu'on pense, à une espèce de corps de doctrine figé, comme ça, qu'il faut déplacer comme on déplace une grosse caisse, en s'y mettant à plusieurs. Non, c'était un système vraiment évolutif. Et dans cette évolution, on peut repérer un certain nombre de transformations. Et deux transformations me paraissent importantes et, me semble-t-il, peuvent être, comme tu l'as déjà signalé, pensées ensemble. Le premier moment comme ça de transformation correspond aux Lumières. Il correspond à la parution en 1747 du livre d'un certain Lafont de Saint-Yenne sur le salon des Beaux-Arts. Euh, C'est la première fois qu'un compte-rendu de salon donnait lieu à un livre. Qui n'était pas simplement un libelle, hein, c'était vraiment un livre, hein, parce que c'est la grande époque des libelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a Thomas Crowe a écrit un livre formidable sur ce moment-là de la culture des Lumières, puis je me permettrai de vous renvoyer alors, à mon livre Vraie Activité, parce que, évidemment, je développe la chose. Alors, en tout cas, il faut signaler ce livre, et... Pourquoi ce texte est-il important? Parce que la Fonte Saint-Hyène, je simplifie, hein, la Fonte Saint-Hyène n'était pas du tout un homme du métier. Et il revendiquait la liberté de juger sans avoir à se recommander des autorités académiques ou d'un savoir technique particulier. Et il revendiquait de plus la possibilité de s'adresser au public en général. C'est-à-dire par-dessus les autorités académiques et les connaisseurs, les fameux connaisseurs qui prétendaient à une légitimité de jugement exclusive. Eh bien, je considère que cette adresse au public en général, au public vraiment, hein, et je dis bien public, je ne dis pas audience, cette adresse au public en général fonde le tournant libéral du système des beaux-arts. Quand je dis libéral, je ne dis pas néolibéral, hein, je dis bien libéral. J'avance l'hypothèse que ce tournant libéral a trouvé son expression achevée bien plus tard, à la fin du 19e siècle, dans une formule formule qui pourrait peut-être être banale, mais qui ne l'est pas, qui est celle par laquelle Stéphane Mallarmé, il fallait bien qu'elle arrive dans mon propos, Stéphane Mallarmé, en 1898, répond à Léon Tolstoï. Vous voyez un peu qui est Tolstoï, enfin à la fin du 19e siècle. C'est le romancier mondial. Là, pour le coup, c'est vraiment une figure mondiale. Inattaquable. Et Tolstoï, alors, écrit un livre qui, je ne sais pas si on le lit encore, mais c'est parce que c'est un drôle de truc, il faut dire. Mais enfin, je vous conseille de le faire si vous ne l'avez jamais lu. Tolstoï écrit ce livre. Qu'est-ce que là ? Qui est traduit immédiatement dans toutes les langues. En France, il y a deux traductions qui paraissent dans les semaines qui suivent la version russe. Enfin, c'est dire enfin, le phénomène qui était Tolstoï. Et figurez-vous que ce texte est une démolition en règle de l'art et de la poésie moderne depuis Baudelaire. De ce qui fait l'art moderne, la poésie moderne depuis Baudelaire, pour toute l'Europe. Tout y passe, dont Mallarmé, Wagner, tout. Mais ce texte reste évidemment extraordinaire, tout simplement parce qu'il est de Tolstoï. Et parce qu'il, son titre est quand même très extraordinaire. Qu'est-ce que l'art ? Alors je me suis permis, là, dans mon livre « Un vrai activité », de mettre comme sous-titre « La question de l'art ». Ben, la question de l'art, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Ce n'est pas dans le sens philosophique, tous les baratins sur qu'est-ce que l'art et tout ça. Non, au sens historique. C'était quand même intéressant que Tolstoï publie un livre comme ça. Et figurez-vous qu'un ami de Mallarmé... a traduit tout de suite les bouts, a fait un résumé du livre et puis traduit hibou qui pouvait concerner Mallarmé et a demandé à Mallarmé de réagir. Alors Mallarmé, toujours très élégant, répond: écoutez, c'est difficile parce que j'ai pas tout lu, un résumé c'est pas bon, il faudrait que je connaisse mieux, et puis Tolstoï c'est formidable, moi je veux pas dire du mal de Tolstoï, etc. Mais enfin, très quand même énergiquement, il prend position. Et donc, où se situe là le conflit? Mais il y a le conflit, c'est simple. Tolstoï avait bien identifié la question de l'art, c'est-à-dire à qui s'adressent les artistes. La question de l'art, c'est en fait la question de l'adresse. Et cette question est totalement moderne. Vous avez dû remarquer que les anti-modernes sont malgré eux modernes. Et c'est exactement le cas de Tolstoï. Il pose la question moderne par excellence, alors qu'il prend des positions anti-modernes massives. La réponse de Tolstoï, c'est: l'art s'adresse au peuple, à tout le monde, sans exclusive. Il condamne l'obscurité de Mallarmé. Il n'est pas le seul, il faut bien dire. Il évalue des œuvres, mais il veut surtout orienter l'activité artistique. Et vous trouvez l'expression littéralement chez lui. L'activité artistique. Si on pense activité artistique, on ne pense pas seulement œuvre. Il faut être bien clair là-dessus. Et il veut orienter l'activité artistique, c'est-à-dire que les artistes doivent travailler pour tout le monde et travailler à une communauté. Sa référence, c'est clair, c'est net, c'est déclaré, c'est l'universalisme chrétien, c'est-à-dire l'idée du peuple unanime rassemblé par l'Église, selon l'exemple et l'autorité de la parole évangélique. Réponse de Mallarmé. L'artiste, ne s'adresse pas à tout le monde, mais à qui veut. C'est-à-dire, non pas à everybody, mais anybody. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire, non pas tout le monde, mais n'importe qui. N'importe qui, c'est-à-dire un public socialement et idéologiquement indéterminé, constitué toutefois d'individus, on peut le souhaiter, bien disposés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on est vraiment dans le langage de la modernité, suffisamment intéressés. Hein, c'est pas le désintéressement ancien, c'est le contraire. Mais qui veut, c'est on s'adresse à n'importe qui suffisamment intéressé. Intéressé sur un plan, sur tous les plans. Mais évidemment, d'abord et avant tout sur un plan subjectif, en tant que sujet. Voilà. L'artiste s'adresse à n'importe quel sujet. Vous voyez ici deux définitions très différentes de ce qu'on appelle la démocratie. Une définition au fond théologique qui vise à une universalité médiatisée par la foi partagée, et une autre définition qui suppose une indétermination du public du fait de la constitution subjective à laquelle s'adresse là. Cette controverse qui opposa les deux écrivains, le romancier évangélique et le poète athée, car il faut quand même le préciser, Mallarmé n'est pas seulement agnostique, il est athée. Donc Il y a là aussi donc cette controverse est évidemment datée, mais vous m'accorderez que malheureusement elle peut trouver des échos divers aujourd'hui. En 1898, la question de l'art, posée en termes d'adresse, est double. Elle concerne la définition du public moderne et celle de la communauté religieuse ou politique. Et ce double aspect, vous ne pourrez jamais plus le... Il faut faire avec. Alors ça ennuie beaucoup de gens, mais j'y peux rien, c'est comme ça. La question de l'art, dès lors qu'elle est posée en termes d'adresse, est double. Elle concerne la définition du public moderne et celle de la communauté religieuse ou politique. L'adresse à qui veut écarte la communauté de croyance invoquée par Tolstoï. Le public moderne est atomisé depuis que l'art s'est distrait, c'est le terme de Mallarmé, distrait de la religion. L'art s'est distrait de la religion. À qui veut ne présuppose rien de plus et rien de moins que l'existence d'un autre sujet. Et cela sans spécification de genre. Car Mallarmé, quand vous vous référez, vous irez voir le texte, vous verrez, s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de spécification de genre. Ce n'est pas masculin plutôt que féminin ou les deux. C'est ni l'un plutôt que l'autre, ni les deux. Il n'y a pas de spécification de genre. Très important, Mallarmé ne fait, c'est pas chez lui, c'est pas au hasard. Il est l'auteur de l'expression « aventure de la différence sexuelle ». Il est strictement contemporain de Nietzsche qui ouvre la naissance de la tragédie par la différence sexuelle. Donc, la question du genre chez Mallarmé, elle est parfaitement réglée. C'est pas par hasard s'il n'y a pas de différenciation de genre. En somme, la question de l'art n'appelle pas nécessairement une réponse générale et prescriptive, comme celle de Tolstoï, que Mallarmé appelle, avec ironie, et c'est là qu'évidemment il se défend, quoi, l'apôtre Tolstoï. Alors, évidemment, la question n'appelle pas nécessairement une réponse générale et prescriptive. La réponse est en deçà de toute assignation, la réponse est dans la forme intersubjective de l'adresse. C'est-à-dire que la réponse est au fond dans la question, quoi. Hein ? À qui s'adresse là ? On ne sait pas. Ben voilà, très bien, on ne sait pas. On s'adresse à qui veut. Voilà. Et il y a là une situation intersubjective. Voilà. Alors, il faut encore préciser que 20 ans plus tôt, Mallarmé avait pris parti pour la démocratie dans l'art, représentée à ses yeux par la peinture de plein air impressionniste. Cette position est exprimée dans l'article « Les impressionnistes et Édouard Monet » publié à Londres en 1876. J'ai toujours pensé que le fait que ce texte fondamental ait été publié à Londres est intéressant. Les artistes disaient Mallarmé, c'est un texte dont on a perdu la version française, donc on le lit aujourd'hui dans une retraduction d'après l'anglais. Mais quand on connaît bien l'écriture Mallarmé, c'est possible, enfin bon, on peut à travers la traduction en anglais reconstituer à peu près le texte français. En tout cas, les artistes disaient Mallarmé, comme leur commanditaire, exerçaient jadis leur domination sur une multitude ignorante. Cette époque est révolue. La démocratie, et là, Mallarmé en parle très clairement, c'est-à-dire, il la définit, la participation d'un peuple jusqu'ici ignoré à la vie politique. Cette démocratie appelle un art qui cherche moins la grandeur surnaturelle que la vérité de l'expérience commune, c'est-à-dire aussi de l'expérience vernaculaire. Et vous avez notamment cette déclaration. La multitude demande à voir de ses propres yeux, et si notre art moderne est moins glorieux, moins intense et moins riche, ce n'est pas sans la compensation de la vérité, de la simplicité et du charme natif. Natif, renvoyant vraiment à l'idée du vernaculaire. Nous sommes en 1876. En 1898, Mallarmé était moins confiant dans la démocratie. Mais il pensait toujours que l'art, comme la poésie, ou la poésie comme l'art, peuvent et doivent se démarquer des techniques de propagande et de contrôle social. L'adresse à qui veut induit un public général constitué de sujets et non seulement d'individus, un public en tant que tel irréductible au phénomène d'audience. Le public général induit par l'adresse à qui veut à remplacer le peuple ou la multitude invoquée en 1867. Vous voyez donc comment Mallarmé, répondant à Tolstoï, se trouve réactualisé au fond ce qui avait surgi au milieu du XVIIIe siècle, cette idée de l'art pour le public. Mais il trouve la formule pour définir cette chose en réponse à Tolstoï. Le principe démocratique n'est pas récusé du tout, simplement il reste attaché à une postulation libérale, ou si vous préférez, libérale-libertaire. Mallarmé, il faut le savoir, a été assez proche de milieux anarchistes. Sans être anarchiste lui-même, l'action restreinte, c'est d'abord une réponse à l'anarchisme. Hein. Je tiens à le signaler au passage, le titre de l'exposition là, sur Mallarmé, auquel tu faisais allusion, l'action restreinte, c'est d'emprunter un texte de Mallarmé qui commence par une prise de position sur la question de l'action. Hein? Bon, l'action artistique. Hein? Est-ce que l'artiste doit passer à l'action? Vous savez que on sait aujourd'hui que Fénéon avait posé des bombes. Hein? Félix Fénéon, parce qu'il était passé en jugement, il s'en est sorti très bien parce qu'on a expliqué que c'était un intellectuel et tout ça. Mais dans les faits, il était passé à l'action. Alors, l'action, c'est ça, hein, dans les années de la fin du 19e siècle, hein, c'est la démocratie, là, elle est en péril, hein, elle s'est mise en péril d'ailleurs elle-même, comme toujours. Mais il y a ça, il y a ce contexte-là. Bon, et Mallarmé répond à ça. Il n'est pas du tout, bien sûr, pour l'action anarchiste, terroriste, mais il est proche de ces milieux. Et sa position libérale est une position libérale-libertaire, en réalité. Et clairement anti-religieuse. Ce qui ne veut pas dire qu'il considère qu'il n'y a rien dans la religion, attention. Alors, ce modèle-là que nous venons de définir, qui est évidemment, vous le voyez bien, une transformation du système des beaux-arts. Là, vous voyez que le système des beaux-arts, il a été sérieusement transformé. Ce modèle, c'est le fondement de l'art critique. L'art critique, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est d'abord ça. L'art critique, c'est d'abord ces deux gestes. L'adresse, l'idée que l'art est fait pour le public, l'adresse au public, puis l'adresse mallarméenne à qui veut, c'est-à-dire à un sujet déterminé. Voilà. Ça, c'est les bases de l'art critique. Mais évidemment, ce fondement de la critique a connu nécessairement, je dirais, toutes sortes d'avatars. Alors là, je me permets vraiment de vous renvoyer à mon livre, parce que c'est tout livre traite de ça. Les avatars de ce modèle de l'art libéral, en tant que c'est dans le contexte de l'art libéral que s'est mis en place le modèle de la pensée critique. Voilà, et je raconte comme ça, tout, j'essaye de résumer le plus possible avec souvent des références un peu pas méconnues, toutes les critiques qu'a suscité toutes les tentatives de subversion, les opérations effectives de subversion qu'a suscité ce modèle. Tout au long du XXe siècle, le modèle a été soit nié, soit subverti, etc. Souvent critiqué par des artistes ou des intellectuels qui, par ailleurs, en tiraient tout avantage. Donc c'était la condition de survie. Mais ça, ce double langage est courant. Ce phénomène s'est beaucoup accentué après l'expérience de la Première Guerre mondiale et la Révolution de 1917. On ne dira jamais suffisamment, même si là encore c'est une banalité, mais à quel point la Première Guerre mondiale a été la révélation que quelque chose ne fonctionnait pas dans la culture bourgeoise. Européenne, qui avait un problème. Que cette hégémonie européenne, elle était vraiment peut-être assez peu justifiée. Là, ça a été quand même une révélation. Et puis, au même moment, pendant cette guerre, se produisait une révolution, pas des moindres, en Russie. Alors, c'est sur ce double base-là historique que le modèle libéral, forcément bourgeois, a été remis en cause en permanence. Mais je ne vous cacherai pas que je considère qu'il est indispensable. À condition d'en connaître les mécanismes historiques. Alors, maintenant, un second infléchissement. Je vous ai dit qu'il y a eu deux grandes transformations comme ça du système des beaux-arts. Je simplifie beaucoup, évidemment. Le second grand infléchissement du système des beaux-arts correspond au fond au tournant romantique des Lumières, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. Il vient des artistes, des poètes aussi, des écrivains, qui ont substitué le pouvoir de l'imagination à l'invention. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans tout un développement sur cette terminologie, mais la notion d'invention, inventio, est absolument centrale dans la doctrine rhétorique. Le nec plus ultra l'activité rhétorique, c'est l'invention. Par exemple, le peintre qui compose, là où vraiment son travail touche à l'essentiel, c'est sur le plan de l'invention. C'est-à-dire, par exemple, il prend un texte qu'il va interpréter, un récit mythologique, ou un épisode des évangiles, ou bien une fable de Ovide, quel moment choisit-il? Et comment interprète-t-il ce moment? Voilà, ça c'est l'invention. Bon, bien, il y a un moment où on s'est dit, non, l'invention, ça va, ce qui est important, c'est l'imagination. Et c'est-à-dire vraiment la capacité de voir comme ça, et même de projeter en quelque sorte une réalité imaginaire, pour le coup, dans tous les sens du mot. Et ce qui est, à mon avis, tout à fait essentiel, c'est de voir comment, au fond, Cette promotion de l'imagination a été permise par un lien établi entre réalisme et hallucination. C'est vraiment ce qui m'a vraiment intéressé. Peut-être le point au fond le plus vif comme ça de tout ce travail que j'ai fait sur l'hallucination artistique qui m'a quand même pris quelques années. Ce lien entre réalisme et hallucination, qui permettait au fond de repousser l'idée de nature idéale qui avait été au cœur des théories académiques. Alors, il se trouve que nous sommes vraiment dans le pays où s'est développée l'œuvre la plus significative peut-être sur ce plan, qui est celle de Goya. Goya, c'est le grand acteur de cette transformation du système des beaux-arts du côté du réalisme et de l'hallucination. Parce que c'est aussi... Ah oui, ça c'est donc la couverture du livre là que je mentionnais, œuvre et activité, mais que tu as mentionné aussi. Voilà. Je me permets de vous renvoyer à ce catalogue que j'avais trouvé excellent. Je n'ai pas vu l'exposition malheureusement, je n'ai fait que lire le catalogue. Parce que ce qu'on comprend, c'est ça, c'est que Goya, c'est vraiment un peintre des Lumières. Et un peintre des Lumières qui, à un moment donné, intègre quoi, une expérience qui contredit les Lumières. Mais il le fait à l'intérieur de la pensée des Lumières. Voilà. Eh bien, il y a un homologue de Blé, un homologue de Goya, pardon, qui est William Blake. Et c'est pourquoi le livre sur l'hallucination, je l'ai sous-titré de William Blake à Sigmar Polke. Je pouvais pas faire de Goya à Sigmar Polke parce que ce rapport Goya-Polke était un peu trop mis en avant. Et puis au fond, je préférais que Goya reste comme une espèce de d'arrière-plan comme ça général. Et puis je trouvais intéressant de mettre en avant aussi William Blake. Pourquoi ? Parce que quand on pense Goya, c'est l'Espagne, c'est une zone de l'Europe qui n'était pas la zone la plus favorable aux Lumières, il faut bien le dire. Et si on pense Blake, on pense l'Angleterre. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le pays le plus avancé en termes économiques, c'est le pays de la révolution industrielle. Et à la fin du XVIIIe siècle, cette révolution industrielle était en Angleterre bien plus puissante que le mouvement des Lumières. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et Blake est vraiment un penseur critique de la société industrielle, pas un penseur critique des Lumières, ou des anti-Lumières d'ailleurs. Ce qui est flagrant chez lui, c'est l'intégration d'une critique vraiment de la culture, de l'exploitation du monde industriel. Et d'ailleurs, Blake était lié à des mouvements populaires. C'est quelqu'un qui vient de la culture artisanale. Hein. Il est graveur. C'est un homme qui a de métier. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui... Je vous renvoie à l'hallucination artistique, mais les prises de position de Blake sur, par exemple, le système des beaux-arts en Grande-Bretagne, qui a été véritablement mise en place par Reynolds, c'est absolument passionnant. Reynolds est un peintre très sous-estimé dans nos zones méditerranéennes, là. que ce soit en Espagne ou en France, qui est un peintre très intéressant, qui n'était pas très, forcément très sympathique, mais très très intéressant. Et les textes de Reynolds sont très importants. Et Blake prend position très très vigoureusement contre Reynolds. Par ailleurs, il est assez lié avec Fuseli. voyez, enfin bon, tout ça est très très important. Alors, et alors en France, si vous prenez la France là, eh bien vous avez quand même Géricault, qui meurt bien sûr prématurément en 1824, mais qui a ouvert incontestablement tout le réalisme hallucinatoire, qui a été ensuite toute la voie du réalisme hallucinatoire, qui a creusé ensuite par Courbet, etc., et qui a fait la suprématie de la peinture française au XIXe siècle. Pourquoi la peinture au XIXe siècle, elle est française, avant d'être quoi que ce soit d'autre? C'est pour cette raison, c'est parce qu'il y a eu ce fil incroyable, comme ça, de peintres à partir de Géricault, qui en plus... tous mettaient justement articulaient cette relation réalisme, hallucination avec un arrière-plan historique qui était donné par les révolutions, qui était donné par la scène insurrectionnelle permanente qui était ce pays, 89, 1830, 1848. Bon, voilà. Alors, donc, et voilà un exemple, je pourrais vous en donner de bien d'autres. On dit Courbet, peintre du réalisme, enfin, il est bien évident que cette vague est totalement hallucinatoire. C'est bien évident que le peintre du réalisme, c'est le peintre de l'hallucination. Et alors, donc j'ai fait tout ce livre-là, toute cette histoire d'hallucination artistique, sous-titré de Blake à Polcom, et un chapitre est titré « L'ailleurs du réalisme ». L'hallucination, c'est ça, c'est un ailleurs du réalisme. Mais quand vous dites ailleurs du réalisme, vous êtes encore dans le réalisme. Hein, vous êtes seulement dans un ailleurs du réalisme. Voilà. L'hallucination, c'est ça, c'est l'ailleurs du réalisme. Et un ailleurs du réalisme qui, d'ailleurs, sur lequel, d'ailleurs, c'est drôle, sur lequel vient ce grand. Pourra venir se greffer ensuite toutes sortes de représentations primitivistes, archaïsantes, enfin, etc. etc. La ligne Goya est évidemment largement déployée dans le livre, avec Géricault, Courbet et tous les poètes graveurs du XIXe siècle. Oui, ça c'est la couverture du livre avec un détail de Paul Coe qui s'appelle Hallucinogène. Hein. Et là, c'est la culture psychédélique. Hein, Paul Coe est également l'un de ses représentants avec Falstrom. Du moment psychédélique dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf qu'il n'y a pas du tout chez Paul Coe la dimension géopoétique qu'il y a chez Falstrom. Là je ne développe pas, hein, mais quand même, je vous le signale. Quand on dit art et littérature, puisque le titre c'est art, littérature et discours critique, quand on dit art et littérature, j'ai trouvé ce titre d'une banalité très, très au fond, intéressante quoi, en soi. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé d'ailleurs à m'en décoller, je l'ai laissé. Je ne suis pas arrivé à mettre un autre titre à la place. Enfin, en tout cas, parce que je trouve que parfois c'est très intéressant les titres comme ça, très plats, comme ça, qui parce que ça repousse toute espèce de sophistication, de tout ça, là, tout ce langage de la théorie, tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, on a l'impression d'être un peu comme le paysan du Danube. Quoi, hein. Enfin bref, passons. En tout cas, si on pense à art et littérature, il y a quelque chose qu'il faut vraiment jamais oublier, c'est la gravure, qui est constamment oubliée. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne à sous-estimer l'importance de la gravure. La gravure est donc l'illustration. L'art visuel et la littérature, ça passe par l'illustration, c'est un fait. C'est vraiment les artistes illustrent, etc. Voilà, voilà. Bon, et un médium, un instrument privilégié de l'illustration, c'est l'estampe. Enfin, bon, voilà. Donc, et comme par hasard, cette histoire de l'hallucination artistique passe beaucoup par la gravure. Beaucoup. Parce que elle passe aussi par les rapports entre art et littérature. Voilà. Alors, bon, je crois que en 700 pages, vous avez la démonstration de la chose. Je précise que ce livre est venu du travail que j'avais mené sur l'œuvre de Dylan Redon dans le cadre de l'exposition L'Action Restreinte. Pas tellement d'ailleurs la première version pour Barcelone, mais plutôt la deuxième version pour Nantes, où il y avait une espèce de mini-exposition Redon à l'intérieur de la grande exposition. Il y avait 100 Odilon Redon dans la deuxième version, c'est-à-dire qu'il y avait comme une exposition Redon à l'intérieur. Parce que je m'étais vraiment pris de... Alors, je ne veux pas reprendre tout ça, mais par exemple, sachez que Redon, ça a été très très important pour Marcel Duchamp. C'est quand même un point intéressant. Que pour Marcel Duchamp, c'était une alternative à César. Et que ça a fonctionné effectivement comme ça. Et au fond, Redon a représenté comme ça graveur travaillant en noir et blanc, puis ensuite passant à la couleur. Enfin, il avait écarté, disons, la couleur, et puis à un moment donné, il l'a vraiment prise en compte. Et travaillant dans ces deux registres, il a aussi fixé une espèce de dialectique comme ça, très extraordinaire, entre la gravure, la peinture, le dessin, la couleur, et toutes choses qui ensuite sont devenues véritablement ont constitué une sorte de cadre de pensée pour les artistes. Et alors, il se trouve que Redon avait inauguré son œuvre gravée par un livre intitulé « Hommage à Goya ». Il y a dans tout ça une logique totale, hein, les choses sont tout à fait claires. Et ensuite, il a fait trois albums, il a consacré trois albums à « La tentation de Saint-Antoine » de Flaubert. La tentation de Saint-Antoine, qui est le grand roman de l'hallucination, lié à la religion. Et Flaubert, qui est l'auteur de l'idée d'hallucination artistique. Hein, l'hallucination artistique n'étant pas l'hallucination pathologique. Voilà. Alors, un autre mouvement de l'enquête, je vais un peu vite parce que c'est... Je ne peux pas m'attarder, mais je ne peux pas non plus ne pas mentionner ces choses. Donc, un autre mouvement de l'enquête m'a permis de suivre le fil généalogique qui relie le délire poétique d'Antonin Artaud à la mythologie personnelle de Gérard de Nerval. Alors, un mot sur cette affaire. Mythologie personnelle, voilà une expression particulière. Elle a été formulée au XXe siècle par un historien de la littérature, Albert Béguin, qui était suisse, à propos de Gérard de Nerval. Elle a été élaborée ensuite par des nuances terminologiques, mais ça revient exactement au même, par Claude Lévi-Strauss, anthropologue, et Jacques Lacan, le psychanalyste. Chez Lacan, bien sûr, selon une problématique freudienne du sujet. Et le grand texte de Lacan, merveilleux texte, hein, c'est des plus beaux textes de Lacan, c'est « Le mythe individuel du névrosé ». Je suppose que c'est traduit en espagnol, je n'ai pas vérifié. Le mythe individuel du névrosé. Et ensuite, la formule a été reprise par Harald Zeman, le critique d'art Harald Zeman, sans référence à ses auteurs. Zeman ne donnait pas ses sources. Et il a utilisé l'expression à propos de Étienne Martin, le sculpteur. Et là, je vous montre une œuvre d'Étienne Martin qui était présentée au musée Reina Sofia de Madrid. Donc, dans le cadre de l'exposition Formas Biographicas, hein, et dans l'exposition, il était bien clair que l'œuvre d'Étienne Martin procédait d'une expérience nervalienne. C'est dans la même salle que était présentée Nerval, la mythologie individuelle de Nerval et l'œuvre d'Étienne Martin. Dans la deuxième version de l'exposition, forme biographique à Nîmes, cette même œuvre d'Étienne Martin a été reprise, auparavant, là. C'est un des éléments de permanence de la première à la deuxième exposition, alors que la deuxième version était vraiment très différente de la première. Mais je me suis aperçu qu'il y avait là vraiment un noyau, quoi, un noyau insécable, quoi, cette relation Nerval-Étienne Martin. Je reviendrai à la fin là, sur l'exposition de Nîmes, rapidement. Voilà, mais avant de revenir là-dessus, je voudrais donc quand même résumer là, au fond. Qu'est-ce que j'ai dit ? Au fond, ce que j'ai dit, c'est que le système des beaux-arts, qui s'est mis en place au XVIe siècle, puis s'est consolidé vraiment dans l'âge classique, XVIIe, XVIIIe, a connu deux transformations majeures à partir du XVIIIe siècle. La première transformation est intervenue avec la mise en œuvre discursive et critique du principe de l'adresse au public. Cette première transformation a permis une nouvelle conjonction entre l'activité artistique et l'exercice de la pensée critique, en ouvrant un espace de métaphore politique pour l'expérience artistique, au-delà des limites qu'avait fixées la rhétorique, et notamment des fameuses limites des convenances de la rhétorique. La seconde transformation, et cette première transformation est accomplie en quelque sorte avec Mallarmé. La seconde transformation tient, comme je viens de vous l'indiquer, au couplage de l'hallucination et du réalisme inauguré au moment du tournant romantique des Lumières, fin 18e, début 19e. Eh bien, il me semble que ces deux orientations sont complémentaires et qu'elles constituent encore aujourd'hui le socle possible d'une pensée critique actuelle de la modernité. Et une pensée de la modernité qui puisse correspondre à l'observation de Mibaba que j'ai citée au début sur la culture de survie. Et je voudrais finir donc sur quelques indications dans ce sens. Nous pouvons en effet mettre en place des constellations généalogiques qui croisent des aventures subjectives et des inventions discursives. Une invention discursive sans sujet, je ne vois pas trop ce que c'est. Un sujet incapable d'invention discursive, c'est également un problème. Donc, je crois que quand nous avons la rencontre de ces deux choses, nous sommes dans une situation intéressante. Mais moi, j'essaye de dire que cette conjonction est possible parce qu'il y a des constellations généalogiques, parce que un travail généalogique s'opère. Un travail généalogique s'opère entre des artistes. Entre des poètes et des artistes, etc. C'est-à-dire qu'il y a de la transmission comme ça. Il y a une généalogie parallèle, si vous voulez, qui s'établit dans l'art, parallèlement à la généalogie biologique fondée sur la biologie. Parce que cette généalogie artistique, elle est symbolique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne comprend pas une dimension physiologique. Et c'est là, évidemment, mais là, accordez-moi de laisser ouvert cette question. En tout cas, donc, nous avons des constellations généalogiques qui croisent des aventures subjectives et des inventions discursives. Et je crois que nous pouvons aujourd'hui penser cela. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire depuis 10 ans. Je vous ai dit, j'allais parler de moi, parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Ces constellations-là, généalogiques. Et nous pouvons le faire, je crois, sans nous restreindre à ces mécanismes stériles des politiques de l'identité, identity politics. Car les jeux sur l'identité, je suis bien d'accord, peuvent être transgressifs. Les jeux sur l'identité peuvent subvertir les normes d'une hégémonie culturelle. Mais ils deviennent parfaitement inoffensifs, indolores et incolores, comme on dit en français, quand ils sont déclinés à la manière, ils sont déclinés, comme on le voit de plus en plus, de manière à ne jamais toucher aux formes biographiques du sujet. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de la biographie. L'économie de la biographie en tant que biographie. Il y a vraiment écriture de la vie, pas vie vécue, pas la succession des faits qui font qu'un individu naît un jour et meurt un autre. Ça, évidemment, c'est pas très intéressant. Mais l'élaboration de formes biographiques, la biographie comme un travail sur les formes de vie, mais un travail subjectif qui ne peut être fait que par un sujet, qui ne peut certainement pas être un strict jeu d'identité. Voilà. Et on nous raconte depuis je ne sais combien de temps maintenant que tout ça c'est des politiques de l'identité, des identités politiques, si on voit la catastrophe dans l'art. Et pas seulement dans l'art, mais dans l'art en tout cas. Ce qui vous explique donc comment je suis passé très logiquement de l'hallucination aux formes biographiques. Donc je reviens maintenant à la deuxième version de formes biographiques. Deux artistes présents à Madrid et repris à Nîmes étaient la photographe palestinienne Harlam Shibli, avec à Nîmes d'ailleurs des photographies d'une sorte de carnet autobiographique, qui était beaucoup moins politique que les choses de Madrid, mais il faut dire que l'exposition à Nîmes était dans l'ensemble plus politique que celle de Madrid. Et l'autre artiste qui était présent dans les deux versions, c'était le photographe sud-africain Santu Mofokeng. Je vais faire une petite parenthèse très anecdotique. Figurez-vous que quand nous avons, avec Elia Pigelet, avec qui je fais tout depuis 10 ans, quand nous avons accroché l'exposition à Nîmes, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de photographies. Bien, figurez-vous, je ne me l'étais jamais dit pendant tout le temps de préparation de l'expo. Et je trouve ça intéressant. Parce que bon, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la photographie. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un intérêt parmi d'autres, mais il y a une époque où c'était vraiment mon intérêt principal. Je continue à m'intéresser beaucoup à la photographie, mais enfin, pas plus qu'autre chose. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé là. La photographie était très présente dans l'expo, mais je ne l'ai pas pensée comme telle. Et je crois que c'est très bien, je vais vous dire. J'étais très content que les choses se soient faites comme ça, que finalement... Parce que si j'avais pensé, il n'aurait peut-être eu moins... Je me serais peut-être forcé pour qu'on ait moins. Vous voyez ce que... Parce que, en me disant, voilà, bon, il n'y a pas de raison, etc. Mais ça s'est fait spontanément, puis finalement, j'étais très content qu'il y ait toutes ces photographies et qui donnent, au fond, à l'exposition de Nîmes, un propos sur la photographie que je n'avais pas du tout prévu. Mais je pourrais aujourd'hui commenter cette exposition en disant, en parlant de photographie, comme si c'était fait par quelqu'un d'autre. C'est quand même le rêve, quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même on essaye toujours de faire, quoi, de faire les choses de telle façon qu'à un moment donné, elles nous échappent complètement, quoi, qu'elles prennent une vie étonnante. Et là, j'ai eu ce sentiment-là. Enfin, je ferme la parenthèse. Je trouve que c'est intéressant sur cette question de la photographie aujourd'hui dans l'art, la place de la photographie. Elle peut avoir sa place comme ça sans qu'on y pense. Vous voyez ce que je veux dire, sans qu'on se dise que c'est de la photographie. Voilà. Puis après, oui, on constate que c'est de la photographie. Alors, on peut se poser des questions. On peut se dire pourquoi c'est de la photographie. Voilà. Bon. Donc il y avait, oui ça c'est le paravent, donc ça c'est les deux versions, les deux catalogues correspondant aux deux versions. Je précise que dans le deuxième livre, vous avez tous les textes en français du premier, plus un troisième, donc en deux chapitres correspondant aux deux grandes parties de l'exposition de Madrid, puis vous avez une troisième partie avec les textes correspondant à l'exposition de Nîmes, hein, de la partie Nîmes, proprement Nîmes. Voilà. Et là, en couverture, vous avez une photographie extraordinaire d'un artiste dont je comptais parler, je l'avais annoncé, mais tu vois le problème, qui s'appelle Loupassis, qui est un architecte grec, etc. Enfin bref, ce sera pour une autre fois. Bon. Mais en tout cas, il est sous la couverture. Voilà, donc il y avait cette merveilleuse série de Mofokeng, mais peut-être que vous connaissez, je peux passer. vous voyez, unidentified, donc voilà, je tenais quand même à mettre ça. C'est merveilleux pour moi, c'est le plus beau travail que j'ai jamais vu sur les archives, la mémoire, enfin, c'est la chose la plus fine, la plus délicate que j'ai vue dans ce domaine, et c'est le contraire même des identity politics. Enfin, je veux dire, c'est en soi la démonstration qu'on peut travailler en dehors de ce schéma. Donc c'est... Voilà, et puis il y a cette merveilleuse phrase là que... qui résume quand même au fond... Donc c'est des images, vous avez compris, puis il y a des petites phrases comme ça sur écran noir qui donnent des indications sur les images ou posent une question. Enfin, c'est donc toute la dimension du discours là, qui accompagne les images, mais qui est réglée au millimètre. Qui est en fait un discours poétique, enfin, c'est vraiment. Et dans ce discours poétique, vous avez aussi parfois comme ça des questions que l'artiste pose à lui-même ou pose au public, comme celle-ci par exemple, que je trouve très belle et très. Une vraie question, quoi. Comme là, voilà. Alors, dans les deux expositions, il y avait aussi Henrik Olsson, un artiste danois. Il est revenu dans l'exposition de Nîmes. Pourquoi ? Parce que Henrik Olsson se situe très explicitement dans le sillage d'Antonin Artaud. C'est véritablement une expression très tendue, très sarcastique, très grinçante, mais aussi très fort, de l'abjection du père-mère, qui est vraiment un thème central dans l'œuvre d'Artaud, c'est-à-dire la déviation généalogique par excellence. Voilà. Si on pense généalogie, il faut aussi penser déviation généalogique. Voilà. On ne peut pas penser... comme je le fais, constellation généalogique, en passant par Sanctum Fokin, sans penser aussi la position de refus généalogique, la position de déviation généalogique radicale. Et Sanctum Fokin est, parmi tous les artistes que j'ai vus ces dernières années, celui qui a tenu cette position récemment avec la plus grande force, la plus grande poésie aussi, la plus grande efficacité, en se référant, comme il se doit, à Antonin Artaud, qui est l'artiste, le poète de du refus de la généalogie associée au père et à la mère. Chez Henrik Olsson, ce refus de la ligne généalogique, cette déviation généalogique, je dirais, signifie aussi une rupture avec ce que Homi Bhabha nomme le musée imaginaire bien ordonné des cultures nationales. J'aime beaucoup cette expression, le musée imaginaire bien ordonné des cultures nationales, vous vous souvenez la formule. Et là, vous avez vraiment... Il faut être très clair là-dessus. Rupture généalogique égale rupture du schéma d'appartenance nationale. Et chez Olsson, c'est très clair. Et il vit à Berlin, il a quitté le Danemark en se coupant sa famille. Et il n'a des mots très durs sur le Danemark d'aujourd'hui. Cette expérience de l'exil choisi, quand on dit exil, il faut toujours se demander s'il est choisi ou subi. C'est pas du tout la même chose. Je dois dire que je suis particulièrement agacé, mais vraiment là, je pourrais devenir même assez féroce quand j'entends ces discours qui vantent comme ça de façon indiscriminée les formes de l'exil les plus extrêmes et les plus contrastées, depuis l'exil choisi de l'hyper-privilégié jusqu'à l'exil subi du pauvre type qui cherche à survivre, tout simplement. Alors, en tout cas, Cette expérience de l'exil était donc marquée dans l'exposition. Elle était associée avec des images. Ça, c'est Olson. Ça, c'était Olson à Madrid. On avait combiné ces choses avec une figure du père de Giacometti. C'est-à-dire, là, c'était vraiment un peu énorme parce que toutes ces petites figures longilignes en bois là, de Olson, évidemment, renvoient aux figures longilignes de Giacometti. Mais à les mettre. La figure du père de Giacometti, c'est-à-dire Giacometti, l'artiste chez qui la vénération, au contraire, enfin la vénération, le lien familial a toujours été très fort. C'est un artiste qui n'a jamais été en rupture généalogique, c'est bien Giacometti. Enfin, de toute façon, il a été, mais pas dans sa biographie. C'est bien lui. Et alors, on était un peu inquiets, on se demandait comment Olson allait réagir, et il était en fait absolument heureux de ça. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant, parce que ça veut dire que les choses, vous voyez, doivent toujours être ambivalentes. Quoi. C'est, ça, je crois que c'est très important. Bref, et ça, c'était la version beaucoup plus, disons, il n'y avait plus de Giacometti, beaucoup plus dure comme ça, de Nîmes. Voilà. Alors, il y avait aussi le travail de d'une artiste... française, Madeleine Bernardin, qui est russophone aussi et qui travaille depuis 15 ans dans des associations d'aide aux demandeurs d'asile. Elle a du boulot en ce moment et elle parvient quand même à continuer son œuvre artistique parallèlement à cet engagement qui était militant, qui est devenu en plus professionnel. Et nous avons montré dans l'exposition trois diptyques photo-textes très remarquables et on les a mis à côté d'un grand tableau de Sigmar Polke, Fugitif. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment pas évident de mettre trois petites photos noir et blanc comme ça avec des textes à côté d'un grand tableau, et c'était formidable. Et tout le monde l'a remarqué, la plupart des... enfin tout le monde... les visiteurs qui m'en ont parlé ont noté les choses, ont noté que ça fonctionnait extrêmement bien. Et là, vous voyez, c'est aussi très intéressant ça, parce que je pense qu'on en est là quand même. On a aujourd'hui une grande liberté. On pourrait articuler, si on voulait bien le faire, on pourrait articuler des choses comme ça de façon beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus libre qu'on ne le fait, et sans design. Il n'y a pas besoin de faire du design. On peut faire des choses très simples, des expositions très simples, en distribuant juste bien des œuvres, en constituant des constellations, mais des constellations qui peuvent être très, très contrastées, je dirais, comme là. Et on n'a pas besoin de design. Il faut en finir avec tout ça, tous ces trucs, et puis tout cet art immersif qui est parfois intéressant, mais qui est le plus souvent juste une confusion entre le musée et la plage, quoi. Bon. Alors... Donc voilà un exemple de ces œuvres de Madeleine Bernardin. C'est une photographie faite à Paris. Et puis à côté, un texte très différent. Voilà un autre. Voilà. Bon, allez voir dans le livre, parce que je crois que ça commence à devenir un peu long. Puis je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour parler. Donc Nerval, bien sûr. Et alors quand je dis Nerval, c'est toujours la généalogie fantastique. Hein, et quand je vous dis généalogie, c'est aussi, bien sûr... Nerval, c'est le délire généalogique, c'est ce document absolument extraordinaire, c'est un tout petit truc comme ça, qu'il a commencé à remplir comme ça de ces délires généalogiques, qui n'étaient pas, comme chacun sait, le délire contient toujours une grande part de vérité. Et là c'est le cas, il y a beaucoup d'éléments vrais et beaucoup d'éléments complètement inventés. Il a commencé à tenir ça après sa première crise motivé son premier internement. Et il a continué quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un document absolument éblouissant, parce que c'est d'une beauté en plus incroyable. Chez Nerval, et je crois que c'est ça qui fait que le personnage était tout à fait essentiel et devait vraiment intervenir fortement dans mon travail là, de constellation généalogique. Après Mallarmé et Artaud, Nerval devait absolument apparaître. Je précise que je travaille aussi là dans ma langue, hein, dans la langue française, hein, quand je travaille sur des... avec Blake, non, mais quand je travaille sur Mallarmé, Artaud et Nerval, je suis dans ma langue et j'y tiens. Je tiens à travailler dans cette langue qui est, correspond aussi à une généalogie de ma part. Donc, chez Nerval, délire, lyrisme et lucidité critique sont indissociablement liés. Délire, lyrisme et lucidité critique. C'est ça qui est très extraordinaire, comme chez Artaud d'ailleurs. C'est, il y a quelques artistes comme ça, vous êtes devant, et bien il faut que vous vous débrouillez avec ça. Délire, lyrisme, lucidité critique, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas faire le tri. Il faut prendre en bloc. Et c'est ce rapport que vous avez à penser. Et si vous ne pouvez pas penser ce rapport, et si vous avez besoin de faire passer des murs entre ces choses, ben ça ne va pas. C'est que vous êtes en train de rater quelque chose. La mythologie personnelle du poète conteur et fabulateur s'est construite avec et contre la folie. Par la voie de la fabulation poétique, la culture de survie est, chez Nerval, l'expérience d'une vie autre. Parce qu'on dit survie, c'est survie. Bon, effectivement, c'est tenir le coup, quoi. Continuer à vivre. Mais il faut entendre aussi survie. Comme on dit surréalisme, comme on dit surnaturalisme. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre quand on pense à Nerval ou à Antonin Artaud. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas explicite chez Nerval, mais c'est explicite chez Artaud. Survie égale vie supérieure. Une vie supérieure qui peut éventuellement... qui peut supposer un processus au fond de mort et de résurrection. Ça peut être la vie après la mort, une sorte de vie posthume, hein, de vie posthume que se donne l'artiste ou l'écrivain. Voilà. Alors, maintenant, je termine très rapidement, vraiment, mais c'est indispensable, pour évoquer une autre généalogie poétique, parce que je voulais quand même donner au moins deux exemples de généalogie, comme ça, de ce que j'entends par constellation généalogique. Donc là, je viens de vous montrer un peu quelque chose là de, autour de l'exposition de Nîmes. Mais un deuxième exemple qui nous renvoie plutôt à l'exposition Art et Utopia de Barcelone. C'est l'exemple de ce qui s'est produit autour de Brotas. Dans l'avant-dernière salle, oui, ça c'est le. Voilà, dans l'avant-dernière salle de l'exposition de Barcelone, était présenté un tableau de René Daniels, La Muse Vénale. C'est d'ailleurs ce détail que j'ai repris, vous avez dû voir, c'est ce tableau dont j'ai repris un détail là, voilà, sur la couverture de œuvre et activité. Et la muse vénale s'est empruntée à ce poème de Baudelaire. Un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Muse vénale, vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est toute la question donc, de l'artiste. Prostituée, hein, la prostitution littéraire via une femme ou pas d'ailleurs, parce que la muse c'est soit une vraie, enfin soit une femme qui inspire le poète, soit juste une figure symbolique. Mais de toute façon, il est question de prostitution. De toute façon, il est question d'une poésie qui doit s'affronter, se confronter à la réalité de l'aliénation économique. De René Daniels donc s'inspirait de façon avec une justesse incroyable de ce poème, enfin reprenait, citait ce poème de Baudelaire, mais par le motif des moules servantes de voile, évidemment il se référait aussi à Brotas, et c'est complètement juste parce que le Brotas de la fin de l'œuvre, de son œuvre, est baudelairien tout autant que Mallarmé. J'ai même d'ailleurs essayé de démontrer comment en fait il était passé plutôt de Mallarmé à Baudelaire. Et, enfin, comment il était, disons, remonté de Mallarmé à Baudelaire. Voilà. Alors, il existe deux variantes de ce tableau que voici. L'image donc des voiles en forme de moule renvoie à Brotas. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, la rétrospective qui avait été consacrée à Daniels à Reina Sofia. C'était magnifique, magnifique exposition, la plus belle que j'ai vue de Daniels. Magnifique exposition. Et bien, dans cette exposition, vous aviez ce petit cahier, un petit cahier de notes, une feuille de notes comme ça de Daniel, où apparaît clairement la référence à Brotas, vous voyez, sur une ligne du champ Magritte Brotas. Chez Brotas, bien sûr, la thématique malarméenne, c'est ma collection en 71, c'est Igitur, c'est toutes les références au coup de dé. Mais dans l'exposition de Barcelone, nous avions lié la muse vénale de Daniel au tapis de sable de Brotas, qui en fait est pas malarméen, qui en fait déploie le thème de l'exotisme dans un registre qui est beaucoup plus finalement baudelairien que malarméen. Donc vous voyez, on avait déjà à l'époque fait cette articulation. Voilà un exemple de constellation vraiment, alors là, très vaste, hein. Baudelaire, Mallarmé, Brotas, Daniels, c'est, vous voyez, bon. Voilà, c'est ça que j'entends. Et c'est par là que passent, à mon sens, les généalogies secondes, les généalogies hallucinées, les généalogies délirantes, etc. Et tout cela, pour moi, fait partie de la pensée critique de l'art moderne. Ça ne peut pas être dissocié de la pensée critique. Je dirais même plus encore que la pensée critique doit passer par ces opérations généalogiques, par ces doit prendre en compte le délire, doit prendre en compte la subversion de la folie, etc. etc. Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là. Attendez, il y avait encore. Oui, bon, il y avait. Voilà. Voilà, ça suffit, je crois. Voilà. Merci.